Le jeudi 20 octobre, ici Dominique Lelièvre, voici les actualités. L'Assemblée nationale est secouée par les allégations d'une jeune femme à l'effet qu'elle aurait été agressée sexuellement par un député libéral. L'étudiante a pris la parole hier soir au cours de la vigile en soutien aux victimes d'agressions alléguées. À l'Université Laval, elle a mentionné avoir été encouragée à ne pas porter plainte pour ne pas nuire à la carrière de l'homme politique en question. La police de Québec a confirmé avoir reçu une plainte en mars dernier pour des événements survenus en 2014. La police qui mentionne qu'une enquête est toujours en cours. Le premier ministre Philippe Couillard a promis que chacun de ses députés serait rencontré afin de faire la lumière sur ces allégations. Dans l'opposition, le chef péquiste Jean-François Lisée a affirmé qu'un non circulait, sans toutefois donner plus de détails et en insistant également sur la présomption d'innocence. Le controversé règlement de contrôle intérimaire est en vigueur depuis ce matin dans la couronne nord de Québec. Il est désormais interdit de construire dans des pentes de 15 degrés et plus. La mesure vise à protéger les sources d'eau potable de Québec. Elle cible les propriétaires de Stoneham, Lac Beauport, Lac de Lage et Sainte-Brigitte-de-Laval. Selon Le Soleil, les responsables de la communauté métropolitaine de Québec serait toutefois ouvert à des assouplissements dans le futur. Emma Québec étend son programme de lait maternel pour répondre à la forte demande. Selon Radio-Canada, les critères d'admissibilité seront assouplis pour ouvrir le programme à plus de donneuses. Toutes les mères qui résident dans la grande région de Québec et dans celle de Montréal seront désormais admissibles, peu importe l'hôpital où elles donnent naissance. Près de 300 donneuses supplémentaires pourraient ainsi participer au programme. La banque de lait qui, rappelons-le, permet de sauver des vies dans le cas des naissances prématurées et dont la mère ne peut allaiter. Enfin, un incendie majeur a réduit en cendres un bâtiment du ministère des Transports à Sainte-Michel-de-Bellechasse hier soir. Le feu s'est déclaré vers 19h45 dans l'édifice situé près de la route 132. Selon la Sûreté du Québec, le sinistre n'a fait aucun blessé et les causes de l'incendie demeurent inconnues à ce jour. Météo. C'est nuageux et il fait 11 degrés présentement. Un avertissement de pluie est en vigueur. Les averses débuteront en après-midi et gagneront en intensité au cours de la soirée. Jusqu'à 80 mm de pluie pourraient tomber d'ici la fin de journée, vendredi. On sentira aussi ce soir la présence de vents qui souffleront à 30 km/h avec rafales à 50. Demain, il fera 10 degrés et ce sera bien sûr sous la pluie. Des averses sont aussi prévues samedi et dimanche avec respectueusement des températures de 15 et 21 et 11 degrés Celsius plutôt. Voilà, c'était les informations à CKRL.